LSD, la série documentaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez devenir un homme, bibliographie, lien, nous podcaster au gymnase ou nous réécouter dans le vestiaire des garçons, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD, la série documentaire, pour voir des détails de l'intérieur de la maison de la radio. Demain, deuxième étape, combattre les héros, construction, déconstruction de la virilité. Et pour prolonger cette semaine, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur le film de Jean-Christophe Rosé, 11 footballeurs en or, Rhapsodie hongroise pour un ballon. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.